exquis. Je suis prise dans un étau. Je ne peux retenir mes élans. Tu plonges en moi comme dans l'océan. J'aime ton côté Brandon. Mes pensées ne sont que pour toi, mais encore une fois, l'abonné n'est pas là. Je n'ai même plus envie de laisser de traces. Cette année, voir mon gars a toujours le dernier mot face à moi. Durer comme ça avec toi. Donne-moi tes nouvelles, dis-moi si ça va. Un répondeur entre nous, ça gâche tout. Je sais, mais dis-moi, où es-tu toi quand je t'appelle et que tu ne réponds pas? Ne mets pas tout sur mon dos, ça fait trop. Pourquoi plus rien ne va chez nous? C'était chaque fois si doux. En trouvant ces instants si fous. Je suis d'accord à ne faire des efforts. Chacun ses torts et ses remords. Repartons à zéro. Il est encore temps.